Session 1, leçon 1B, liste des aliments. L'eau, les boissons, les fruits, la banane, la pomme, la poire, la fraise, les raisins, l'orange, les légumes, les carottes, les petits pois, les haricots, le maïs, les oignons, l'avocat, la courgette. Les féculents, les pommes de terre, les pâtes, le riz, la semoule, les céréales, les flocons de blé, les flocons de riz, les flocons de maïs, le pain, les viandes, le bœuf, le porc, le poulet, l'agneau, les poissons, le saumon, la sole, le thon, la truite, les fruits de mer, les crevettes, les huîtres, les moules, les coquillages, les œufs, les produits laitiers, le lait, le fromage, les yaourts, les matières grasses, les huiles, le beurre, le lard, les sucres, les gâteaux, les glaces, les bonbons, les desserts, fin de la session 1, leçon 1B.